Tu fais confiance à tes frères, tu saignes, il faut des pistons comme au Bayer les verts. Cusaine, dans les affaires, tout est tort. Donné, PD, on sait où t'habites, s'en bat les couilles de tes cohorts. Donné, je vois l'humain sombrer, va tout que dire de plus. Que je roule sans toi au vent, qui pleut des fils de pute. Alors j'avance quand même hanté par ce mal. Je vise pas les 0-5 comme Sheffield face à Arsenal. Moi je pense qu'à charbonner. Tu crois à quoi qu'on va baiser des putes comme ces schlags et boire du chardonnay. Le bien, le mal, j'avance tant bien que mal. J'espère qu'à la fin de la série on va pas cartonner. Tu crois y aurait pas de loss s'il y avait pas dealer. Je veux une campagne du père, tout blanchir comme Marty Bird. Tout le monde se vesqui, il reste qui. Tu connais rien si tu crois à la fin de ton film sur un jet ski. Parle-moi de bif, moi me parle pas de ça. Et je suis trop vieux pour les passes, moi le sac. Je veux la paye d'un bave de JP Morgan ou juste dans ces sales fils de pute de Goldman Sachs. Parle-moi de bif, moi me parle pas de ça. Et je suis trop vieux pour les passes, moi le sac. Je veux la paye d'un bave de JP Morgan ou juste dans ces sales fils de pute de Goldman Sachs. Une rogatoire, c'est le départ, salut. Frérot, on pousse un kill, ramène les bars, ça urge. À mon travers et tout tes parts s'annulent. Vato suffit d'une douille et tous les tchécars s'allument. Ça veut briller comme 10 flammes. Ça part d'indépendance, ça finit souvent en compte OnlyFans. On n'est pas frères, y'a pas de hola oula. Ces fils de lâche ont joué au pied des putains de donuts roumains. Ils parlent de guerre, bon qu'à compter les rations. J'suis sur ma planète, ma constellation. Le cœur s'emballe à chaque accélération. Trop de pédophiles postés dans leur congrégation. Qu'est-ce que tu nous parles des rues à nous, qu'est-ce que tu vas faire, PD. On sort ta caisse en semi-auto sur le siège, bébé. Le jour où j'cagne, y'aura pas d'SVP. T'apprends pas à mourir en cours d'SVT. Parle-moi de bif, moi me parle pas de ça. Et j'suis trop vieux pour les passes, moi le sac. Je veux la paye d'un bave de JP Morgan ou juste dans ces sales fils de pute de Goldman Sachs. Parle-moi de bif, moi me parle pas de ça. Et je suis trop vieux pour les passes, moi le sac. Je veux la paye d'un bave de JP Morgan ou juste dans ces sales fils de pute de Goldman Sachs.